Vous comprenez? C'est impossible. C'est pas possible. Alors, c'est-à-dire que tu as décidé que c'est ça, tu cherches après une preuve qui va te faire plaisir, ou qui va ressembler à ça, ou après tu vas le concocter à ta façon. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, il a dit ça. فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا يَكُنْ هَذَا إِلَّا يَنِي وَلَا أَصَبْتُهُ. Il dit وَاللَّهِ يَنِي مَا يَكُنْ هَذَا وَلَا يَنِي أَصَبْتُهُ. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire ça, et je n'ai jamais trouvé ça. Il dit وَاللَّهِ ça ne veut pas dire ça, et jamais en vérité, quoi qu'il fasse comme recherche, il ne pourra jamais arriver à en réalité donc ce résultat. Vous voyez comment ils sont appelés les gens de la bid'a pour justement éloigner les gens. Donc, on retrouve aussi donc, ce que a dit l'imam Bukhari dans son sahih, istawa yani as-sama'a ay irtafa. Donc on pourra encore donc, donner énormément de porte-parole. Donc Ibn Abbas et la majorité des mufassirin nous ont bien dit donc irtafa ila as-sama'a. Donc il montre aussi ici. Après il montre. Et que donc Abu Omar Ibn Abdelbar yani fi sharh al-Muwatta. Donc le charh de Muwatta qui a été fait par Ibn Abdelbar. Donc c'est le charh le plus connu. Le meilleur charh par rapport au Muwatta, donc le plus connu. Rahmatullah Ali. Et Ibn Abdelbar, donc juste pour voir ici, on voit donc qu'il est mort, Rahmatullah Ali, donc en 463 de l'Égypte. Et il est né donc en 368, Rahmatullah. Et c'était donc un grand imam, fait hadith, ou l'afar. Et c'était bien sûr, donc, comme il disait Abu Omar, l'ahfad, ahl al-Maghrib. Parce que c'était quelqu'un du Maghreb. Donc c'est en réalité donc le comme ils disent donc Shir al-Islam, un grand savant du Maghreb. Une ahfad ahl al-Maghrib. C'est pour ça qu'il y a Ajma, il y a donc le fiqh, ou bien il y a le charh de Muwatta al-Imam Malik, justement pour les Malikites. Waqala ta'ala ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib. Pour faire comprendre aux gens qu'on va aller au-dessus. Ilayhi yas'adu. Yas'adu, ça veut dire quoi? Yadhhabu ila as-sama'. Il a huwa ta'ala, il a mahua ta'ala, il va où yashadu, il monte. Soud na ma'ana soud. Hein? Dihab yani min tahti la fouk. Masad, mahua masad. L'ascenseur c'est le masad parce qu'il monte. Mais enfin, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est un élévateur. C'est un élévateur. Kedalika inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Allah dit. Donc c'est, je te prends donc la vie et je te lève vers moi. Encore une fois, donc quelque chose qui prouve toujours qu'Allah est au-dessus. Bel rafa'ahu Allah ilayhi. Certes, Allah l'a élevé auprès de lui. Ilayhi. Ilayhi, c'est une preuve que c'est vers lui. Parce que si Allah était fi kulli makan, il n'y aurait pas besoin de dire ilayhi. Ça prouve un tarsi, ça prouve un makan mu'ayyin, ça prouve un endroit bien précis. Hein? Certes, sinon, il n'y aurait pas eu besoin de ça. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Donc, ils montrent tous les versets qui montrent qu'Allah est en haut. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Min fawqihim. Le fawq. Aina al-fawqiyya. Aina al-fawqiyya. Donc, c'est quoi en vrai le fawq, ce qui est au-dessus, ça là. Donc, yudabbiru al-amra min al-sama' ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi. Donc, Allah Azzal donc décide des choses à partir donc, des cieux vers la terre. Allah Azzal, donc, il a sama. Donc, c'est quoi min al-sama' ila al-ardi à partir de la terre vers les cieux. Thumma ya'ruju ilayhi. Et après, ça remonte vers lui. Ce qu'on fait quand même, nos actes, donc reviennent à Allah Azza wa Jal. A amintum man fi sama a yakhsifa bikum al-ard. La même chose ici. A amintum man fi sama, donc celui justement qui est donc dans les cieux. Dhil ma'arij ta'ruj al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Dhil ma'arij, donc celui en vérité qui est par rapport aux ascensions, celui hein, donc vers qui reviennent les ascensions, c'est-à-dire lorsque les gens, les anges remontent, hein, les anges et ruh Jibril remontent, ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. حتى فرعون le savait. وقال فرعون يا همان ابني لي صرخا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. Donc Pharaon a demandé à Haman, parce que Haman c'est quoi? C'est le grand constructeur de l'époque. C'est lui qui construit. Donc ça aurait été un grand entrepreneur par rapport au bâtiment en Égypte. Donc il dit construis-moi en vérité donc une tour. Afin que j'arrive aux causes, donc les causes des cieux, afin que j'arrive en vérité là où je dois arriver, aux cieux, et que je regarde, pour que j'arrive en vérité à quoi? Au Seigneur de Moussa, hein, au Dieu de Moussa, et je le considère comme un menteur. Parce que c'est une preuve que Moussa est traité de lui dire qu'Allah Azzawajal le fait ça. C'est une preuve, même s'il considère que Moussa c'est un kedzeb, mais il reconnaît qu'encore au moins, il reconnaît que Moussa, c'est lui nous montre lui-même qu'il témoigne que Moussa déjà c'est quoi? Hein, quelqu'un qui a dit qu'Allah Azzawajal le fait ça.

Yani l'arche est au-dessus de ses cieux, au-dessus de l'Arafman, de son trône. Ou bien dans un autre, dans la version de Al-Bukhari, Inna Allah ankahani min fawqi sab'i samawat. Allah donc m'a marié de au-dessus des sept cieux, au-dessus des sept cieux. كذلك قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حديث أبي سعيد الخدري donc il dit ألا تؤمنوني وأنا آمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء متفق عليه donc hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim le prophète صلى الله عليه وسلم dit n'est-ce pas que vous allez donc justement donc me considérer comme respectueux du dépôt ou quelqu'un de confiance parce que je suis justement donc la personne de confiance qui a hein, de qui donc je suis la personne de confiance par rapport à celui qui est dans les cieux. Le khabar, donc les annonces, c'est-à-dire le Coran, bien sûr, me vient, le Coran, la Sunna après, me vient donc le matin et le soir, des cieux le matin et le soir. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Donc par rapport à l'homme et son épouse, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jure, c'est hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, chaque homme qui appelle son épouse à l'accouplement et qu'elle refuse, donc il y aura donc celui qui sera dans les cieux, notamment donc celui qui est dans les cieux sera donc en colère contre elle jusqu'à ce qu'il agrée d'elle. Hein, donc Allah Azza il sera en colère d'elle jusqu'à ce qu'en vérité le mari accepte d'elle, qu'il agrée d'elle. Donc s'il est pas plus demain, il lui pardonne la khédé. Donc il refuse. Si par exemple le mari est touché, elle automatiquement elle va recevoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle a refusé. Et ça justement, donc c'est interdit. Donc bien sûr, il y a énormément de délits hein, par rapport à ça sur la sunna. Kazalika. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, donc anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li Sa'd, yani ibn Mu'adh. لقد حكمت فيهم يعني بني قريظة بحكم الملك من فوق سبع سماوات. Lorsque بني قريظة ils ont voulu que justement un Saad juge pour eux, parce que c'était ils s'entendaient bien avec lui, ils pensaient que son jugement il serait plus léger que tout le monde, alors ils ont choisi lui comme juge. Mais lorsqu'il a jugé donc justement du châtiment qu'il méritait, donc An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit verset, certes tu as jugé avec justement donc le jugement du Seigneur, hein, donc du maître, du roi, qui est au-dessus des sept cieux, qui est au-dessus à Kulhaï des sept cieux. Donc Adila min al-Sunna matantahi. Donc Nadhabu ila al-Adila min al-Sahaba. Donc déjà ici, je passe 80 pages hein, par rapport à Adila min al-Sunna. D'accord ? Donc on va commencer bien sûr par Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Donc قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد محمدا فإنه قد مات ومن كان يعبد الذي في السماء فإنه حي لا يموت. Donc أخرجه الدارمي بإسناد صحيح والبخاري في تاريخه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. Donc regarde Abu Bakr al-Siddiq, il dit lorsqu'il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens ils ont été perdus parmi les musulmans. On connaît la position de Omar ibn al-Khattab et d'autres. Donc lui, plus posé, hein, donc il les a justement rappelés justement ce qui est bien. Donc il les a rappelés en leur disant certes celui qui adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Et celui qui est dans les cieux, hein, celui qui est donc fils au-dessus des cieux, sachez qu'il est vivant et qu'il ne meurt pas. Allah. Donc ils ont bien compris par rapport à cela. Donc il avait utilisé donc fils sana. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc Abdurrahman ibn Ghunm